Mais je suis là pour toi, ne plus te laisser. L'envie de sauter dans l'océan. Et je suis là pour toi, j'apprends à lâcher. J'oublierai la vie une fois de temps. Sauter dans l'eau.